18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On va parler de course automobile. L'autodrome de Saint-Félicien est en plein dans sa saison et on voulait savoir un peu comment que ça allait, l'autodrome. Est-ce qu'il y a une hausse des spectateurs, une baisse des spectateurs? Comment ça va, en fait, leur saison? On parle avec la grande responsable, Chantal Desrosiers. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal, comment ça va cette année à l'autodrome de Saint-Félicien? Dans l'ensemble, est-ce que c'est quand même positif? Est-ce que les gens assistent en grand nombre à vos programmes? Moi, quand je vois ça cette année, c'est la même chose qu'à l'an dernier. Évidemment, ben, c'est toujours la température qui fait si c'est une réussite ou non. Okay. Une température trop chaude, et c'est pas mieux qu'une pluie, ben, une pluie qui tombe sans arrêter. Là. Okay. Parce que quand il fait trop beau, ben, les gens ils préfèrent aller dans les piscines, les barbecues et tout. Hein. C'est pour la raison pour laquelle on met nos programmes de course ce soir. OK. Il y a toujours des programmes plus intéressants que les autres. Hein. L'enfer, c'est probablement votre programme qui attire le plus. Hein? C'est sûr que les enfers, ça attire beaucoup de monde. Après ça, il y a la grande démolition puis les autoroussels qui attirent beaucoup de gens aussi. OK. Dis-moi, le programme d'ici la fin de l'année, ça ressemble à quoi? La programmation, on a justement samedi, on a un enfer. OK. On a l'Enfer Énergie et Jean-Lapierre Mécanique. Après ça, le 29, il y a le retour des sportsmen avec un 150 tours. OK. Et puis, il y a les drags de rue au travers de ça. Oui. Après, on a la grande démolition, pièce d'autoroussel, le 12 août. OK. Suivi d'une journée pour enfants. OK. C'est nouveau de cette année. On veut faire un genre de journée pour eux, pour ramasser des fonds, pour qu'on puisse les remettre à l'accidose plastique. OK. La série Sportsman, c'est vraiment la série reine hein, de la course automobile. Ben, il y a le NASCAR, là, mais je veux dire, c'est une des séries les plus fortes. Hein. Ben oui, puis après ça, ben, c'est une série 100% québécois. Ouais. Il y a des gens de partout autour du Québec dans cette série-là. Ici, du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a 5. OK. Juste dans notre petit coin, nous autres. Fait que c'est quand même le fun de les recevoir chez eux. Là. Quand ils courent ici, là, ils se sentent comme à la maison. Là. OK. Parle-moi de Xavier Pelcha. Ça semble vraiment être un jeune qui semble avoir beaucoup de potentiel. Hein? Ah oui, Xavier, c'est un des plus jeunes en sportsman. Il a seulement 16 ans. OK. Il performe très, très bien. Son dernier passage ici, c'est vraiment malchanceux. C'est une crevaison qui a fait que... Il a dû arrêter parce qu'il était en très, très bonne position pour en tout cas, talonner les quatre premiers. Là. OK. C'est-tu un jeune... C'est un petit peu la déception de la crevaison, mais c'est le reste du métier. Ça fait partie des coups. C'est-tu un jeune qui pourrait aller assez loin, ça? Ben c'est sûr que c'est toujours l'histoire des mots à dissous. Quoi qu'il y ait un père quand même qui est capable pareil, est-ce que c'est un jeune qui pourrait quand même monter des échelons en course automobile? Ben, moi, je te dirais qu'avec l'attitude qu'il a présentement, moi, je pourrais dire un deuxième Karl Allard dans les années futures. OK. Oh, monsieur. Puis Karl Allard a fait une belle carrière. Tu sais qu'il a fait une belle carrière sur la série Sportsman. Une très, très belle carrière dans à peu près tout ce qu'il a conduit. OK. Hey, Xavier, il a pratiquement la même attitude que Karl. Sinon, j'y prévois une très belle carrière là-dedans. OK. Chantal, parle-moi un peu des touristes. Est-ce qu'on a beaucoup de touristes dans à l'autodrome de Saint-Félicien? On sait que vous êtes basé à côté du zoo. Ça doit aider quelque part? On a beaucoup de touristes, mais ce qui aide vraiment à attirer les gens comme touristes, c'est les inscriptions qu'on a dans les enfers. OK. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants qui viennent un petit peu partout au Québec. À première vue, on pourrait pas croire, là, mais ça attire beaucoup de gens, ça. J'ai des pilotes qui viennent du Nouveau-Brunswick, je suis dans Chapais, Chougamau, Québec, de la Basse-Côte-Nord, de la Côte-Sud, dans le bout de la Gaspésie, j'en ai de partout, Longueuil. Fait que tout ce beau petit monde-là nous amène beaucoup de touristes. C'est bien évident que le camping à côté, ça nous apporte beaucoup de touristes aussi. Okay. Lorsqu'on fait des pratiques le vendredi soir, ils entendent le son, ils viennent voir, OK, il y a un programme demain, tu sais, ça lui fait un projet à faire, là. Ben oui. Hey, dis-moi, Chantal, j'ai une question que j'étais en train d'oublier. Xavier, est-ce que l'autodrome travaille des fois pour peut-être assurer une relève locale, vraiment des cours et ainsi, pour que les jeunes, tu sais, par exemple, le golf, il y a beaucoup de travail de faire pour attirer les jeunes à jouer au golf. Est-ce que l'autodrome de Saint-Félicien, est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille? Écoutez, moi, j'ai une classe ici locale qui s'appelle les Canicœurs. OK. C'est une classe vraiment de débutants. J'en ai dans cette classe-là qui ont débuté à 12 ans. OK. Oui. C'est parce qu'il faut qu'ils commencent à quelque part, puis on a le droit à cet âge-là dans un circuit fermé. C'est au même titre que les motocross quand tu vois des petits jeunes de 17 ans courir en moto. Là. OK. OK. Fait que cette classe-là est faite vraiment pour le jeune. Le jeune qui veut 14, 15 ans, le parent vient voir, il veut faire l'enfer. Non. Tu vas courir comme casse, tu vas faire tes classes quand tu fais un bon pilote, puis à 18 ans, tu feras l'enfer. OK, parce qu'à quelque part, vous avez l'autodrome a quand même intérêt à développer certains pilotes locaux également, là, parce qu'à quelque part, c'est bon pour les assistances et ainsi de suite. Là. Oui, en général, la relève, ça fait le père en fils ou mon oncle ou quelque chose de genre là, qui l'embarque avec lui dans son équipe. Puis, normalement, ça serait pas mal comme ça dans la course automobile. Là. OK. Hey, parle-moi aussi maintenant du côté le fait que vous êtes l'une vous êtes la seule autodrome au Saint-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est plus facile? Parce qu'auparavant, vous avez Chicoutimi. Là, maintenant, vous êtes la seule. Est-ce que ça a changé de ce côté-là? Ben moi, je vous dirais que oui, parce qu'on a quand même récupéré, si je vais avec un logistique, au moins le quart de la clientèle qui allait à l'autodrome du Saguenay. Ah, oh, c'est bon? Ben oui, c'est très bon. Okay. C'est, encore là, c'est la clientèle qui va venir s'il fait beau, parce que si il mouille souvent là-bas, il mouille pas ici, c'est étonnant, parce qu'ils ont quand même de la haute affaire. Tu sais, c'est que quand il fait une belle journée, ben là, c'est sûr que je récupère beaucoup plus de gens que s'il y a une journée nuageuse, il mouille à Métabetchouane, ou il mouille à Alma, ou il mouille à Jonquière, puis là, ça, à la baie, on met des photos pour montrer aux gens que, regarde, ici, il fait beau. Mais tu sais, c'est quand même une question qui se pose. Bon, m'a-t-il arrivé là-bas, puis la terre, la pluie va-t-il être arrivée en même temps que moi? Oui, c'est sûr. Puis c'est un coup de dé, parce qu'on ne dirige rien côté température. Puis c'est vraiment excellent, parce que les gens de Alma, les gens de Saint-Félicien vont pas au Saguenay, mais les gens du Saguenay, généralement, viennent pas beaucoup au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est excellent de faire ça, là. Ben, moi, je trouve qu'on a. Oui, non, je trouve que ça répond très bien côté Saguenay. Ah, OK. Donc, c'est. Parce que, évidemment, depuis 3 ans, mes petits programmes se promènent au Saguenay. Ah, OK. Donc, c'est bon. J'ai ça. Beaucoup de points d'intérêt. J'ai beaucoup de participants côté même en fer, que ce soit en fer ou drague de rue. Okay. Non, Saguenay répond très, très, très bien. OK. Ben, Chantal, gros, merci. Faire un peu le post-mortem de ce qui se passe à la Tour de Saint-Félicien. On va avoir l'occasion de se reparler. D'accord. Chantal Desrosiers de l'autodrome de Saint-Félicien.